c'est fou dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Rémi Gauthier de retour pour parler de plein air dans sa chronique Veux-tu sortir avec moi? On reçoit Nicolas Goyette qui nous parle du carnaval étudiant. Assemblage requis, ça commence tout de suite! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées, on est en direct du studio de CIFO à Trois-Rivières en ce mardi 18 janvier. Moi c'est Mathieu Plante. Et moi c'est François Olivier. Salut François, je te laisse pas beaucoup de temps dans l'intro pour parler. Ben non, je sais. C'est très très serré je trouve. Ça va bien Mathieu? Ça va bien, ça va très bien. Passé une belle soirée hier toi? Oui, relativement tranquille. Ouais. Oui, toi? Moi, ouais, mais ménage, ça m'endort, je te dirais, le ménage. Alors, mine à divin. À chaque fois que je commence à faire quelque chose, genre la vaisselle, je me dis, je m'assois un petit peu. Je vais aller m'allonger. Je vais aller m'allonger. C'est jamais une bonne idée quand t'as d'autres choses à faire après. Non. Non, tu gaspilles un peu ta soirée, mais en même temps, t'es plus en forme peut-être. Je sais pas. Ouais, certainement. Tu profites de la vie un peu. Ben oui, il faut bien. C'est quoi plus plaisant que dormir dans un divan pour vrai? C'est vraiment le fun. Ouais. Aujourd'hui à l'émission, on a Émilie Gauthier qui est de retour avec sa chronique plein air. Gauthier. Émilie Gauthier. Live at CIFO. Oh yeah, in our studio. On parle de plein air aujourd'hui et elle est de retour à son format de chronique ramassie de différents endroits où aller. Cette semaine, le thème, c'est les lieux de marche hivernale et de raquettes. Donc, on va parler du domaine de la forêt perdue, d'énergie CMB, du parc de l'île Melville, du parc linéaire de Trois-Rivières, de la piste Châteaudun, du sentier de marche du QTR et on va terminer avec les portes ouvertes de l'école d'agriculture de Nicolet. Je sais pas si ça, c'est pour marcher, par exemple. Ben, il faut que tu marches si tu veux aller voir les différents kiosques. Mais... Bon point. On pourrait parler pas mal de n'importe quoi si c'est par rapport à la marche. Ouais. On pourrait parler du trottoir, de la rue. Donc ça, c'est Émilie Gauthier. On a le carnaval aussi. Nicolas Goyette, oui, d'ailleurs, qui va venir nous parler du carnaval étudiant. Les activités qui se passent et puis, en fait, les spectacles aussi. On sait que... pendant le carnaval, en fait, l'université fourmille d'activités. Donc, ça va être fort intéressant. C'est aux alentours de 7h30. Parfait. Donc, c'est bientôt. Et on sait qu'en 2011, ça va marcher. Ça va marcher. Callback d'une pub qu'on a mise. Ouais. Donc, ça, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. On a aussi une chronique, c'est un fait. On a bien sûr un paquet d'autres discussions qu'on va avoir. Des fous rires et des... Donc, il n'y aura sûrement pas tant de fous rires que ça. On n'a pas eu de fous rires encore à date. L'année passée, oui. Ah oui, as-tu eu un fou rire que tu ne pouvais pas arrêter de rire? Oui. Ah ouais? Je ne me rappelle pas quoi, mais... C'était pas à cause d'une blague que j'avais faite sur ma Non. Ça m'aurait surpris, d'ailleurs. Commençons l'émission avec une bonne vieille pièce. On retourne vraiment en arrière pour aller entendre les White Stripes. Oh ouais. Oh oui. Voici avec The Jack. Denial Twist. Avec Jack. Avec Jack. Jack. Jack. It's a Jack Attack. C'est ça. Faut rire. Non, c'est pas drôle en tout. Non, je passe même pas une joke. Non. If you think that a kiss is on the lips, come on. You got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause they'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. Take a mountain zone. Tony Gratton. Tony Gratton. C'est comme ça que je l'appelle. Ça sonne bien. On est potes. Antoine Gratton avec 500 000 milles de l'album Le Problème avec Antoine au 89 FM. It's crazy. C'est une bonne pièce. Oui. Excellent. Tony Gratton. J'aime ça, man. Ça fait fromager. Je vais le retenir. Ça sonne Tony Gratton. Ça sonne américain. Justement, tu sais pas. Ça sonne western, je trouve. Ouais. Comme Tony du western spaghetti, Gratton. Spaghetti gratiné. Ça. spaghetti gratiné, fou rire. Ah, j'ai eu ça quand ils font ça à la radio, ça m'énerve. Mais j'en ris, fait que. Des fourrés? Ouais, quand ils partent à rire comme des épées. Ça me tape, c'est énorme. Ah oui, moi aussi. Moi ah, aussi. J'ai eu ça. Ben, j'ai réglé le problème. T'écoutes plus ça? Travail bien fait, secouons-nous les mains. Oui. Donc, vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission gratinée en pièces détachées. Hein? Bon. On va parler un petit peu du PlayStation Phone. T'as entendu parler, François-Louis? Non, du tout, pas en tout. Non, Niet. Zero. Nada. Le Xperia Play. Ça va être le téléphone PSP sur lequel Sony Ericsson planche depuis un bon bout de temps. Ça va être vraisemblablement dévoilé au Mobile World Congress de Barcelone le mois prochain, nous dit un article de Cyberpresse. Entre-temps, deux nouvelles vidéos ont surgi sur Internet, donnant plus de détails sur l'appareil. Contrairement à ce qu'espéraient la plupart des fervents amateurs du PSP original, donc le PSP qui était plus sur le long, le Xperia Play risque de ne pas être tellement plus performant que tout autre téléphone Android actuellement sur le marché. Sa fiche technique fait état de processeur Snapdragon de Qualcomm cadencé à 1 GHz, la même puce qu'on trouve déjà dans les appareils signés Samsung et Sony Ericsson. Écran tactile de 4 pouces, caméra numérique de 5 mégapixels et une pile dont l'autonomie est très moyenne, dit-on. Ce qui demeure incertain, c'est si l'affichage a droit à la même technologie Bravia que le Xperia Arc. Bravia, c'est la même marque qu'on retrouve sur les télés. Ouais. Ce qui lui conférait une netteté comparable à celle du Retina Display de l'iPhone 4 d'Apple. Sa résolution s'établit à 854 par 480, quand même. Quand on relève l'écran, il y a deux contrôleurs qui permettent de passer en mode jeu, un peu comme le PSP Go. T'as peut-être vu le plus petit PSP, là, celui qui a, en tout cas, à mon avis, vraiment aucunement l'air confortable, le PSP Go. Non, je l'ai pas vu. S'ils l'ont fait comme ça, j'imagine que ça doit marcher un petit peu, mais non, moi, je passerais plus à un vrai PSP, le gros modèle, qui est beaucoup moins cher en passant, puis qui fonctionne toujours avec des disques, et donc on peut s'acheter des jeux usagés facilement, alors que sur la PSP Go, c'est un service de téléchargement. C'est un télécharge. Donc, j'imagine que sur le téléphone, ça va être la même chose. Justement, on en parle un petit peu. Les jeux, on sait pas grand-chose de plus qu'auparavant. La fente pour les cartes micro SD n'est pas entravée par la batterie de l'appareil, mais on soupçonne que ce sera pas la véritable façon de charger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications. On pense pas que ça va être... J'imagine que ça va être par téléchargement, la même chose que... Fort probablement. Peut-être même que ça va marcher avec les petites cartes de téléchargement qu'on retrouve dans les magasins. Maintenant, à la place de vendre des jeux sur disque pour la PSP, ben, ils en vendent aussi sur disque. Mais c'est des points. Des petites cartes à la place. Non, c'est seulement t'acheter une carte du jeu, là. Genre, OK. Little Big Planet sur PSP, tu le veux, tu prends ta carte, tu l'amènes, puis tu télécharges juste ce jeu. C'est exactement ça. L'appareil est doté de deux gâchettes, rappelant la formule de la console de poche PSP, également de Sony, évidemment, c'est ce que ça nous dit. Son système d'exploitation va être Android 2.3, qui est la plus récente version du logiciel de Google. Quoi qu'il en soit, si le Xperia Play est présenté à Barcelone, on peut s'attendre à une mise en marché rapide de l'appareil en Europe et en Amérique, nous dit l'article. On va en savoir plus à l'occasion du Mobile World Congress, ça va être du 14 au 17 février. Prochain, j'ai bien hâte de savoir. Oui, je le vois ici, en fait, sur Internet. Là, ouais. Et puis, ça fait très gamer comme téléphone. Oui. Moi, personnellement, ça m'allume pas, là, mais toi, Matt, en tant que gamer... Ben, moi, tant qu'à ça... Moi, personnellement, je préfère les... en même temps, je vais me contredire en disant ça. Je préfère d'habitude les appareils qui font une seule chose, mais qui le font bien. Ou au moins une chose une spécialité pareille, comme, mettons, la Nintendo DS va jouer des jeux vidéo. Elle fait d'autres choses, tu peux aller sur Internet, mais sa fonction principale, c'est les jeux vidéo. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un téléphone jeu vidéo entre deux, que tu sais pas trop... Ça a l'air petit. C'est petit, c'est ça, je sais pas. Les boutons, je sais pas. Il y a pas de joystick non plus. Tu sais, la PSP a un petit joystick, ça, genre, en tout cas, moi, je vois que des flèches et des boutons. Je sais pas. Je trouve que ça part d'une machine dédiée à ça. Je me demande si les compagnies vont vraiment vouloir publier des jeux pour ça. Mais en même temps, si c'est un téléphone Android et que les jeux qui sortent dessus sont les jeux qui sortiraient de toute façon sur Android et que tu peux les contrôler avec la manette du Xperia Play, je sais pas comment ils vont l'appeler, là, si c'est vraiment Xperia Play, je trouve que c'est un peu long. Mais bon, si tu peux jouer avec tes jeux avec les contrôles d'une PSP. J'avoue que t'as pas tort, par exemple. T'as pas tort. Les contrôles sont là. À savoir s'ils vont servir exactement, mais moi. Je sais pas si est-ce que tu as joué un peu avec ton iPhone à des jeux? Oui. Des fois, c'est plat de cacher l'écran avec tes pouces, hein? Ouais. Ça joue pas super bien. Ouais. Surtout les jeux de plateforme où tu dois aller de gauche à droite et sauter, et là, à la place, il affiche des flèches sur ton écran, puis tu dois y toucher, hein? Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pas tout à fait sûr de ça. Bref, on vous tient au courant, le Mobile World truc, là, ça s'en vient en février. Ça commence le 14, donc on vous en reparlera. Voilà. Merveilleux, merci Mathieu. Hey, je te parle, en fait, je pense que je t'apprendrai rien en disant que le recteur quitte pour la retraite. Oui, il s'en va. Le recteur de l'UQTR, en fait, Ghislain Bourque, qui a annoncé hier de prendre sa retraite pour des raisons personnelles. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on entend, des raisons personnelles. On veut pas juger le gars ou lui inventer des raisons. Non, c'est ça. En fait, il dit associé à la famille, à l'âge, à la disponibilité de penser aussi de temps en temps de façon un peu plus relâchée. Donc, ouais, j'avoue que ça doit être un emploi stressant. J'imagine. En fait, t'as des grosses responsabilités sur tes épaules. Il dit en fait quitter pendant que c'est le bon temps. En fait, l'université va bien. Ouais, c'est ça. Les programmes vont bien. Tu laisses pas des marques négatives derrière toi trop. Non, c'est ça. Le financement va bien, ce truc-là. Donc, il est très fier. Donc, il peut quitter la tête haute. Et puis, lui, d'ailleurs, qui a annulé un déficit accumulé, le résorber, blablabla. Donc, non, ça va quand même bien. J'ai pogné de quoi, par exemple, hier, en apprenant la nouvelle. Je pense que c'est pas parce que, de mémoire, là, en fait, là, j'ai pas de date précise, mais il a renouvelé son mandat, ça fait pas tellement longtemps. Mm-hmm. Ça fait pas tellement longtemps, donc voilà, j'étais un peu surpris, en fait, là. Et puis, il parle d'embaucher quelqu'un vers la fin mai. OK. En fait, ils ont formé un comité pour sélectionner un nouveau recteur. Donc, ça devrait être vers la fin mai. Parfait. J'ai lu un texte de l'AGEQTR qui est évidemment... Il dit, il salue, ils disent, bon, d'accord, on le sait. Comme on accepte le fait qu'il s'en va et pas genre on est désolé de le voir partir, tu sais, vraiment pas. Mais ils disent que, bon, ils sont pas super contents de certaines affaires que le recteur a fait. Donc, au moins, mais tu peux pas faire plaisir non plus à tout le monde. Non, en fait, c'est ça. C'est sûr. Puis, ouais. Bref. Moi, je l'ai trouvé sympathique. Je l'ai trouvé quand même dynamique. Personnellement, point de vue personnel, là, en fait, là, il était présent. Donc, ça, j'aime ça. Voir quelqu'un présent, moi, ça me rassure. Ouais, d'accord. Bon, j'essaie de trouver le texte en dernière seconde de l'AGE pour citer exactement. Je le trouve pas. Mais bon, c'est pas grave. En fait, ils ont pris acte de sa démission. Exactement. C'est un peu tout. C'est un peu ça. Bref. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on va recevoir... Nicolas Goyette. Du Carnaval étudiant. Donc, il va nous parler des activités. Ça devrait pas tarder, d'ailleurs. D'accord. Pour l'instant, on s'en va écouter The Constellations. Voici We're Here to Save the Day. Just ash cold with the flow, you know I bust. raps. No, not a bullet, this is more a musket. American Revolution with the music. And what we do here is ensue a movement. The earth is moving and we're consumers. So what we do is we consume earth. Give me us, cause we're so absorbed. So our world just passes by. Constellations that y'all ignored. Have the whole time been sitting in the sky. By design, we combine and align ourselves to form gods and try to help. Save me. And it is I who will tighten up Orion's belt. So y'all can decide yourself. That's wrong, bro. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Oui, c'est toujours Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. François Olivier Marchand. Mathieu Plante. Les requins à la maison. Bon matin. Bon matin. Et on reçoit Nicolas Goyette et Philippe du Carnaval étudiant. Bonjour. Salut les boys, ça va bien? Ben oui. Yes. Bonjour. Donc, bonjour, bon matin. Carnaval étudiant 2011, qu'est-ce qui se passe? Yes. Cette année. Hyper c'est une belle année. Programmation, c'est une grosse année. On a plein de spectacles et activités sont des plus folles que jamais. Donc... Parfait. Écoute, on rappelle, ça commence quelle date le carnaval? Officiellement, là, les festivités commencent. Lundi le 24 janvier. OK, parfait. On commence dans le fond avec la parade comme à l'habituel. L'année passée, on a fait une parade. Ça a été un succès. Donc, on va ramener la parade cette année. Encore une fois, on va faire un petit peu le tour du campus. On part des Michel Sarrazin pour se rendre finalement au 10-12 en passant par la rue qui longe les résidences grises et le gîte universitaire. OK. Puis, on parle de parade, mais je pense que c'est important de rappeler aussi le terme du carnaval qui est l'évolution. Donc, la parade, c'est une parade intemporelle. Donc, toutes les associations vont être déguisés d'après leurs thèmes qui ont pigé avant les fêtes. Donc, on parle de thèmes, il y a des thèmes comme les Égyptiens, les Romains, les pirates, les Gaulois, les Vikings, les années fluo, disco. Les années... Ah ouais. L'Empire russe. Ça va vraiment être beau les voir passer un par un en arrière de l'autre, là, ça va être quelque chose. Ah ouais. Surtout qu'ils ont prévoir des chars allégoriques aussi l'année passée, ça a été un succès. Sûr? Oui, dans le fond, ceux qui avaient des chars allégoriques l'année passée, ça a vraiment été un succès. Donc, je pense que cette année, là, le mot se donne, puis il va y avoir beaucoup de chars allégoriques dans la parade. Ah, crème, c'est cool, ça. Et puis, les associations, est-ce qu'il y en a plusieurs, en fait, cette année? On a 26 associations. C'est bon, okay. Je crois que l'année passée, on était à 21 ou 22. Donc, on a vraiment essayé d'aller chercher loin les petites associations qui participaient pas. Participaient plus moins. Ou moins ou pas du tout. Donc, des fois, même les trop petites associations se sont regroupées avec d'autres plus grandes, okay, justement, pour pouvoir participer. Ouais, sinon, c'est pas juste parce qu'il faut un certain nombre de participants pour certaines activités. Ben, c'est ça aussi. Étant donné qu'il y a beaucoup d'activités, mais puis il y a des cours aussi durant cette semaine-là, donc c'était plus difficile pour certaines associations de participer. Puis, Donc, merveilleux, OK? Le 24, c'est la parade. Tout de suite après, c'est quoi? J'imagine les festivités sont lancées, donc là, les gens boivent la bière un peu. C'est ça. Ben, dans le fond, le lundi, l'activité qui va vraiment marquer la journée, je vous dirais, ce serait Dieu Marchi. Puis les prestations musicales. Au niveau du marché, dans le fond, ça va être une partie de la soirée. C'est comme l'improvisation qui va être retransformée. C'est un nouveau concept qu'on va amener cette année. Donc, c'est vraiment par le principe de Dieu merci à la télévision que vous connaissez. Sans Eric Salvaille, exactement. J'irai pas. Mais avec les membres de la Lutte. Ah, donc, encore mieux, donc. Oui, c'est en collaboration avec les membres de la Lutte. Nous avons monté 4 scènes. Puis à l'intérieur de ça, on va incorporer les participants. Donc, vont devoir s'adapter aux rôles qui vont être qui, qui vont faire face. Mm-hmm. Vous prenez quoi? Mettons, un étudiant d'une association, vous le mettez dans une situation, puis débrouille-toi, puis en fait, le, après ça, c'est les gens qui votent? Exactement. Ouais. Même qu'on pousse plus loin, il va même avoir des accessoires déguisés un petit peu et tout. Okay. Donc, il va vraiment dans le big show. Puis on reprend vraiment le concept avec deux différentes scènes pendant qu'il y a un sketch qui se joue sur une scène. On retransforme le décor de l'autre côté. Ça, c'est cool, ouais. La job, c'est trois étudiants par association, par scène. Donc, okay. Les 26 associations vont pouvoir passer. Ça va demander une bonne logistique, mais ça va donner un bon spectacle. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Ça va rouler au moins. Là. Yes. Oui, j'entendrai pas. OK, parfait. Ça, c'est lundi soir. Oui. Yes. Ici, au 10-12. Au 10-12. C'est okay. De 19h30 à 21h30. Okay. Pour le niveau de la prestation musicale, ça, c'est en journée. Dans le fond, c'est le spectacle de musique qu'il y avait l'année passée. On avait un petit défi musique, là, des bandes qui venaient jouer. Cette année, vu qu'on prend un petit virage vert avec le carnaval, on amène prestation musicale avec des objets recyclés. Donc, on demande dans le groupe, il y ait au moins un objet recyclé. Ce qui veut dire que ce soit des cannes de conserve, peu importe, un objet fait maison. Ou un has-been d'un ancien groupe de musique. Non, c'est pas vrai. C'est recyclable. C'est vert, ça. Donc, tout à l'heure, on parlait de Dieu Marché. Une demi-heure après, soit vers 21h45, il y a le party d'ouverture. Donc, vous venez d'entendre la première partie, soit Delta 20. C'est un groupe qui a gagné à Musique Plus l'émission Rock and Road. Donc, on a la chance de les recevoir en première partie. Et, la première partie de qui? De qui? De... Est-ce qu'on a l'extrait pas loin? Et oui, c'est bien Dance Larry Dance, j'allais dire Delta 20. C'est bien Dance Larry Dance, c'est un groupe de Québec. Donc, on va avoir une belle programmation. Ça va être très rock. Ça va. Un show qui va bouger en masse. Ça va, je pense que oui. Oui, oui. Donc, c'est à partir de 22h. Les portes devraient ouvrir vers 21h45 parce qu'on doit tout ramasser, Dieu merci, en une demi-heure. Et sac ça d'un coin. Sac ça d'un coin. Ouvre les portes du Tizos pour... le spectacle d'ouverture. Parfait. Et puis, pour les spectacles, en fait, là, mettons, s'il y en a qui sont pas étudiants, est-ce qu'ils peuvent assister quand même? Si j'imagine que... C'est sûr, la priorité va être donnée à tous ceux et celles qui ont acheté leur inscription pour le carnaval. La capacité maximale du 10-12, c'est 700 personnes et on a déjà 1600 inscriptions pour le carnaval. Okay, donc, si tout le monde se présente, ça va être un méchant party. Yes. Donc, oui, mais s'il reste de la place pour tous les spectacles, toutes les soirées, je crois que c'est 5$ à l'entrée pour tous ceux qui sont pas inscrits, qui voudraient venir voir les spectacles. Dans le fond, le premier spectacle d'ouverture, je pense que c'est 10$ vu qu'il y a deux bandes, puis le spectacle de, supposons, humoriste, c'est 5$. OK. OK, parce que là, tu parles d'un spectacle d'humoriste, ça, c'est quand? Spectacle d'humoriste, ça va être mercredi soir, si je me trompe. OK, non, mais on reviendra. Mardi soir, on va y revenir. Donc, on peut parler de mardi, dans le fond. Mardi, une activité qui revient, comme à l'habitude. On parle du bain de neige le matin pour éveiller les esprits des étudiants. Le bain de neige, donc, consiste en se baigner dans la neige. Tous les étudiants se rassemblent en plus grande capacité d'association dans le 10-12. Puis, à tour de rôle, vont se baigner dans la neige pour faire trois rondes. Donc, une de 30 secondes, une de 1 minute, puis une de 1 minute 30. Donc, c'est simplement de s'amuser dans la neige. On veut voir des folies et tout. On prend des belles photos. C'est pas les règlements l'important, là. Il n'y a pas de règlement. C'est simplement... C'est un petit peu un genre de... Est-ce que t'es game de faire ça? Ouais. C'est simplement ça. Aussi, dans la journée, on va avoir Schlack, dans le fond, qui est de 11h à midi et demi. Ça, c'est une activité. Je sais pas si vous vous rappelez Canal Famille dans le temps. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Ouais. On avait une activité avec... Patrick Huneau, l'animateur du temps. Exactement, Patrick Huneau. C'était un quiz, si on veut, qui avait comme deux intelligents et un con. Dans le fond, le con, c'était le pion. Ouais. C'était un petit peu conçu sur le principe d'un serpent à échelle. OK. Le monde, dans le fond, le pion bougeait, c'était le con, si on veut. Puis les tronches répondaient aux questions de culture. Donc, on ramène cette activité-là avec au carnaval étudiant. Donc, c'est comme un quiz serpent et échelle. Avec, okay. Il y avait des modules, puis là, il rentrait dans une petite caverne, là, puis il allait zigzer, puis il revenait. Ouais, ouais, ça, oui, ouais, ça, ça, c'est ça. Donc, on va avoir des points pour un petit peu le spectacle qu'on donne aussi. Là. C'est, oui, aussi les questions, mais aussi s'il y a un spectacle qui se donne par le pion, il va avoir des points attribués à ça. OK. Ça, c'est au 10-12 aussi. C'est au 10-12 aussi. OK, parfait. De 11h à 12h30, mardi. Okay. Yes. Donc, après ça, on entre avec tout le concept de la soirée d'humour. Donc, on a l'installation des salons. Ça, l'installation des salons, pour ceux et celles qui connaissent pas encore le carnaval, la soirée d'humour, c'est que toutes les associations étudiantes vont avoir une petite zone à l'intérieur du 10-12. Leur salon. Donc, ils doivent aménager un salon. Donc, tout le monde sort les divans qui sont dans leur association étudiante, amènent des lampes. Il faut vraiment que le salon soit le mieux construit possible parce qu'il va y avoir des jeux qui vont se promener puis attribuer des points pour les meilleurs salons. OK. C'est ça. Puis aussi, ben là, pendant ce temps-là, juste avant le show d'humour, on a une joke, une bière. Donc, les étudiants de l'université vont s'improviser humoristes, vont faire une joke, une bière dans le même principe qu'à l'habitude. Donc, on fait une blague, on passe au vote, ça passe pas, puis ainsi de suite jusqu'à temps qu'il reste juste une personne. Donc, ah, c'est bien ça. Donc, une joke, une bière, c'est à 21h à 23h au 10-12. L'installation des salons, c'est juste avant, là, donc de 18h30 à 20h au 10-12 toujours. Au niveau des humoristes, je sais pas si tu veux nous en parler. Oui, au niveau des humoristes, donc à partir de 23h, on reçoit trois humoristes, dont Kathleen Rouleau, qui est une jeune humoriste de la relève, qui a participé beaucoup au Grand Rire de Québec, beaucoup de festivals Juste pour rire et tout ça. Je crois que présentement, elle joue à Vrac la vie, à Vrac TV aussi. Et dans l'émission. Donc, et parmi les plus jeunes, d'ailleurs. Peux-tu nous en parler? Non. Blague de Vrac la vie, non, mais ça. En tout cas, bref, vous avez vu le monde qui joue dans Vrac la vie. Et voilà. Ensuite, nous allons recevoir Franck Grenier, qui est aussi un humoriste de la relève. Kathleen Rouleau, Franck Grenier, ils ont un peu un humour gore, un peu. Donc, ça va bien fitter avec le carnaval. Puis finalement, notre grande vedette, c'est Pierre Hébert. Un autre de Vrac la vie. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Oui. Vrac TV, je sais pas si c'était à Vrac la vie. Vrac la vie. Oh, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Pierre Hébert aussi, depuis 2007, on le voit beaucoup avec Patrick. Pas Patrick Huard. Tu m'en poses un blanc. J'ai un blanc. Avec Mike Ward, puis Patrick Gros. OK. Justement, dans les sketchs Juste pour rire. C'est Renault. C'est ça. Il imite. Ah, c'est lui, ça. Il imite comment? C'est Maurice qui imite Renault. Il imite un déficient, dans le fond. Ah. Il joue le rôle de déficient, puis à travers ça, il met de l'humour. Il est très drôle. Et voilà. Il est bon pour gâcher des sketchs. Ah, il est dans mes préférés, ça, le pauvre. Donc, je pense que ça va être un très bon show d'humour qui devrait durer un bon 2 heures, certainement. Yes. Donc, on va se coucher tard encore une fois cette soirée-là. Yes. Ça, c'est le mercredi. Le mardi. C'était mon erreur tout à l'heure, c'était vraiment le mardi. Okay. Suite à la journée d'ouverture. Donc, soirée d'ouverture lundi. Ça fait des bonnes journées. Oh, oui, c'est des journées bien remplies. Là. On a, jusqu'à jeudi, là, on a des journées qui n'arrêtent pas. Puis, c'est des soirées qui vont se finir tard. La seule soirée qui ne se finira pas trop tard, si je ne me trompe pas, c'est le mercredi. Que après le rallye nocturne, il y a un party 10-12, qui se termine à 3h. Mais c'est pas les membres de la programmation en tant que tels qui organisent ce party-là. Là. Les gens vont peut-être y aller quand même, mais c'est pas dans la programmation. Du c'est dans la programmation parce qu'on a un DJ invité que nous, on paye pour être là. Mais par contre, on va pas faire de logistique comme supposons Dieu merci. Il n'y a pas de points, mettons. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de points. Effectivement. Donc, tu parlais du DJ, c'est le DJ Mario Estrada, qui est étudiant ici à l'UQTR. Ouais. Donc, il est étudiant en communication sociale ici. Donc, c'est lui qui va être là le mercredi soir et le jeudi soir aussi. Okay. Mais mercredi, pendant la journée, est-ce qu'il y a des activités aussi? Bien sûr. On a une belle activité cette année qui nous revient, que l'année passée était nouvelle. C'est le défi style Libre S3. L'année passée, c'était le défi Full Metalhead, quelque chose comme ça. Okay. Dans le fond, cette activité-là, c'est simple. C'est une compétition de snow et de ski dans la petite pente du Cap, donc il y a un petit gazon. S3, cette année, revient en force. Ils vont nous installer deux modules, pour un pour les skieurs, un pour les snowboarders. Eux-mêmes vont faire les jeux, puis vont avoir de la musique, donc on risque d'avoir une bonne ambiance. Faut pas oublier que la compétition est quand même amicale, donc c'est sûr que toutes les associations s'affrontent, mais c'est plus dans le principe d'un jam qu'on va faire la compétition qu'autre chose. OK, merveilleux. En fait, là, il faut pas aller se casser un bras là. Non, c'est ça. Ben, dans le fond, un jam, ce que c'est que tout le monde y va comme ils veulent, puis... Le gars, il se relance. Si toi, tu fais un gros truc, ben, je vais essayer de faire un autre truc, puis c'est vraiment en compétition un petit peu de style, excusez le terme, là, ben, best trick, si on veut, là. On se relance, puis on s'amuse, puis on se fait du plaisir. Parfait. Puis l'équipe du Astro, est-ce qu'ils font une petite démo avant ou... Ils nous ont pas confirmé ça. Ça serait peut-être à voir. Je pense bien que les gars vont être là, là, mais je sais pas s'ils vont faire du snow. OK, cool. Snow ski. Fait qu'en fait, on se pointe avec son snow et que c'est ouais. ski. Pis, ouais, c'est ça. C'est sûr que, personnellement, je pense qu'il va y avoir plus de planchistes, là, mais les skieurs sont vraiment les bienvenus. Là. C'est à ne pas... À pas penser que, OK, passer à S3, c'est juste des planches. Non, on invite les skis aussi. Si vous voulez faire du freestyle en ski, venez, il n'y aura pas de problème. Cool. Merveilleux. Donc, après ça... Après ça, on a le beer pong. Cette année, on est chanceux. C'est la première édition du beer pong au Carnaval étudiant et à l'EQTR. C'est, dans le fond, c'est un tournoi qui va se passer... Un petit peu, je sais pas si tu peux nous aider, Nicolas, là-dessus, pour expliquer quand ça va se passer. Oui, dans le fond, ça se déroule au 10-12. Donc, le beer pong, ça consiste en ayant une table de 8 pieds, où deux équipes s'affrontent. Donc, une équipe de chaque côté de la table. Puis, devant chacune des équipes, on a 6 verres qui sont placés en forme de triangle, un peu comme au hockey, si on veut. Rempli d'eau. Il n'est pas rempli de bière. Là. Par équipe, il y a 2 bières qui vont être distribuées dans 6 verres. Okay. Donc, ça fait pas trop de bière, mais ils vont jouer plusieurs matchs. Donc, Ça se voit assez vite quand même. Donc, donc c'est ça. Donc, les deux équipes s'affrontent à coups de balles ping-pong. Donc, si je suis dans l'équipe contraire à toi, je dois essayer de lancer ma balle de ping-pong dans tes verres. Okay. Avec un rebond, mettons? Poup. Avec rebond et sans rebond. Okay. Donc, si tu fais un rebond, toi, tu as le droit de la bloquer. Si je fais pas de rebond, okay. Puis si elle rentre direct, tu dois boire le verre dans laquelle elle est tombée. Donc, ouais. Dans le fond, l'objectif, c'est de finir les verres de son adversaire le plus rapidement possible. Et ne pas attraper de maladie. Ouais. Je crois pas que ça va arriver. Non, ouais. Mais si jamais le monde veut en voir un petit peu plus, je sais que des vidéos et les règlements officiels vont être sur le site www.quebecpong.com. Il y a une association, une ligue. Oui, de... ben, dans le fond, il y a des ligues dans plusieurs universités. L'Université Laval a une ligue. Il y a l'Université de Sherbrooke qui a une ligue aussi de ça. Donc, on va essayer de l'amener ici. On va faire la première événement. On va voir si ça fonctionne bien. Ça me surprendrait que ça marche pas parce que c'est déjà un sport populaire dans la communauté étudiante. C'est ça. De toute façon. Les attentes sont assez hautes. Donc, on va voir. Peut-être que par la suite, on a les tables. Donc, pourquoi pas, l'UQTR pourrait partir une ligue. Ben oui. C'est faire des costumes et tout. Ben voilà. Puis c'est un sport qui est déjà très, très, très populaire dans les universités aux États-Unis. Ouais. Donc, il y a des millions et des millions d'adeptes. Puis il y a des gros concours. Dans les États-Unis, tu peux gagner 50 000 $. C'est sérieux? C'est assez fou. Là. Il y a le World Series of Beer Pong à Las Vegas. Là. Génial. À Las Vegas. C'est assez fou. 89-1. Mais on va pas passer par-dessus très longtemps. Mais le rallye nocturne va encore revenir cette année avant le parti du 12. On l'a dit un petit peu tout à l'heure. Donc, le rallye nocturne qui consiste, dans le fond, 4 étudiants, maximum 4 étudiants, qui vont partir à la recherche d'objets, un petit peu style chasse au trésor dans la nuit. Donc, ça se passe de minuit à 7h. Donc, résident de Trois-Rivières, ne vous inquiétez pas, c'est mercredi 27 janvier. Je me trompe-tu? 26 janvier. Mercredi 26 janvier. Vous voyez des étudiants se promener un petit peu partout, fouiller à 5h, 3h du matin. C'est normal. ils vont être à la recherche d'objets précis. Puis, ça, c'est ça. En fait, là, c'est pas juste à l'UQTR. Hein. C'est vraiment partout. Non, c'est ça. C'est dans toute Trois-Rivières. C'est à la grandeur de Trois-Rivières pour justement chercher là, peut-être même le cap. Là. Oh, okay. Certaines fois, là, mais sur le bord, pas trop loin. C'est vraiment à la grandeur de Trois-Rivières. Puis on va porter une attention particulière parce que les voitures vont être utilisées à ce que les conducteurs ne soient pas en boisson. Wow, ça, c'est une... bien important. Exactement, en fond de la sécurité au début, l'automobile va être identifié, UQTR aussi. Donc, si jamais vont un peu croche avec le véhicule, la police va être avertie et tout, donc ils sont tolérants. Par contre, si le véhicule va vraiment très croche, ben, ça a déjà arrivé qu'ils se sont fait coller puis il faut qu'ils passent l'alcotest. C'est bien normal. Ouais. Donc, on passe au jeudi 27 janvier, soit notre la dernière journée. Bien essoufflé. Et bien endormi. Donc, parce qu'on est fatigué. Le défi bonne cause. Oui, dans le fond, cette année, chaque année, le carnaval étudiant, ça file à une œuvre de charité, si on veut. Un organisme qui offre dans le communautaire pour aider la population. Cette année, on a approché CONCEP, dans le fond, C-O-M-S-E-P. Okay. Ce regroupement-là, dans le fond, va aider les gens à... Ben, dans le fond, ça fait un regroupement un petit peu des gens de pauvreté à Trois-Rivières, si on veut. Donc, puis ils vont aider ces personnes-là à trouver des solutions à leurs problèmes, à les aider à grandir, trouver des solutions, comme j'ai dit, puis pouvoir faire des actions pour s'en sortir. autant au niveau des jeunes que des personnes plus âgées. Par contre, nous, notre activité va vraiment se baser au niveau de l'alphabétisation. Donc, l'activité va être de ramasser des jouets et des livres pour les jeunes de 5 à 15 ans. Donc, ah, c'est cool, ça. Yes. Donc, dans le fond, les points, c'est super simple. Plus ça amène de jouets, plus t'as noté. Donc, on va espérer qu'on ait une grande participation. Ouais, donc, un grand succès. Donc, c'est pour les jeunes de 5 à 15 ans, donc les livres de chimie, de bio. Non, vieux livres. C'est des jouets pas brisés, c'est des livres. Idéalement, toutes les pages, il faut qu'ils soient là. Idéalement. C'est ça, c'est pas parce que les personnes sont moins favorisées que nous qu'ils n'ont pas le droit à avoir du matériel de qualité. Exactement. Très bon point. Ouais. Donc, une autre activité qui va être très... Nouvelle aussi. Yes. Qui va être très, très plaisante en ce jeudi. C'est l'activité Tepo Game et non Tepa Game, c'est Tepo Game pour rester thématique avec l'évolution. Donc, c'est une compétition entre associations toujours où les participants devront relever. Chaque participant va, dans le fond, tirer un défi sur la scène de la chasse-galerie à tour de rôle. On va avoir 2 minutes pour le réaliser. Donc, ça va être des défis, inquiétez-vous pas, ça va être politiquement correct. Il n'y aura pas de personne tenue sur la scène. OK, on joue pas à la bouteille. Non, on joue pas à la bouteille, il n'y aura pas de French non plus. Ça va être vraiment des défis par rapport à d'autres situations ou d'autres choses qu'il faut faire, ramasser des trucs, faire des tours d'université, vite comme ça. Là, c'est vraiment juste un défi. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien, ça va être très drôle, puis ça va être une activité plus pour rire qu'autre chose. Rien de gênant. Parfait. Et finalement... La Shop d'art. La fameuse Shop d'art. La fameuse Shop d'art qui va clôturer le carnaval encore une fois. Donc, ça, c'est jeudi. Là. Ça, c'est la plus petite activité du carnaval. Là. C'est oui, pas vraiment... oui, c'est vraiment très et c'est surtout celle que le monde participe vraiment le moins. Oui. Bref, comment ça fonctionne, c'est qu'à partir de 19h, il va y avoir une vente de billets pour acheter les bières, dans le fond. Ça va être de 19h à 21h15 dans le hall d'entrée du Albert Tessier. Okay. Donc, il va y avoir des représentants du carnaval ou des bénévoles qui vont être là, qui vont vendre les coupons justement pour pouvoir acheter vos bières à l'intérieur du 10-12 quand l'activité va commencer. C'est ça. Donc, à partir de 21h30 jusqu'à 22h, on fait l'entrée dans le 10-12, on invite les participants à se présenter, à aller porter leur manteau vestiaire, à se préparer pour être en forme. Réchauffez-vous. Pour se réchauffer un peu, effectivement. Puis, à partir de 22h, une fois que les explications vont être données, c'est là que ça commence. Donc, spécifie peut-être qu'à partir de 23h30, plus ou moins 23h30, dans le fond, dès que la Shop d'art se termine, un petit peu la compétition, si on veut, de la Shop d'art se termine, les coupons que les gens vont avoir achetés ne seront plus valides. Donc, c'est comme c'est le 10-12 qui rentre en place. C'est les barmen du 10-12 qui vont travailler. Donc, okay. L'alcool va devoir être payé. Faut que les gens se dépêchent. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Donc, à passer tous leurs coupons. C'est de prévoir un bon nombre de coupons. Là. Cette année, on a vraiment fait attention. On a le nombre de coupons par rapport au nombre de bières qu'on a. Donc, il n'y aura pas d'excédent et tout. Donc, ouais, si pas de controverse. Exactement. Donc, si vous achetez des coupons, prévoyez que vous allez en boire tant. Ouais. Ça devrait bien aller. Sinon, ben, espacez-les jusqu'à 11h30. Puis là, 11h30, vous pouvez continuer si vous voulez. C'est ça. Et voilà. Puis on a une belle surprise pour le monde cette année après justement l'événement de la Shop d'art, la petite compétition. Donc, c'est ça. Donc, le party va se terminer sous la thématique Air de glace, sans rapport au film. Donc, il va y avoir une petite surprise dans le 10-12 pour... C'est quoi? Ah, surprise! On dévoile pas nos punchs. Parfait. Pas tous. Et ça va être toujours le DJ Mario Estrada qui... OK, qui va être là. Qui va mixer. Ouais. Mais dans le fond, Mario, est-ce que tu as dit un petit peu dans quoi il étudiait? C'est quand même intéressant. Oui, je l'ai dit tantôt en communication sociale. Yes. Mario Estrada. Oui. Et voilà. On encourage le monde de l'UQTR, il faut. Oui. Et puis, c'est ça, vous avez des activités aussi récurrentes à tous les jours. C'est ça, incontournable. Ça part bien la journée. Oh, ma préférée. Le Café Belay. Oh, oui. Oui, c'est ça. Ben, reviens cette année. Reviens pour les mêmes tarifs aussi que l'année passée. Donc, ça va être 1,50 le café. 1$ l'once de Baileys. Ça fait pas cher. Ça fait pour 2,50, vous avez un Café Baileys. Puis c'est des étudiants de l'UQTR qui vont vous le servir. Donc, c'est à profit de leur association aussi. Puis le soir, dans le fond, on a les ventes d'hot dogs qui revient aussi au profit des associations étudiantes. Et de nos ventres. Oui. Puis pour terminer, il faut rappeler aussi à tous ceux et celles qui ne sont pas inscrits pour le carnaval, à tous les étudiants, qu'il est encore possible de vous inscrire jusqu'à vendredi, soit vendredi le 21 janvier, au kiosque près de la bibliothèque. Vous allez voir, il y a des représentants du carnaval aussi qui sont là. Donc, c'est au coût de 20$. Vous avez un chandail du carnaval plus un buck. Okay. Pour, la seule différence qu'ils ont, dans le fond, par rapport à ceux qui sont inscrits auparavant, c'est qu'ils n'auront pas de logo de l'association sur leur chandail. Simplement à cause du délai. Okay. Mais ils vont quand même ils vont faire partie de leur association. Ils vont encourager leur association. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de logo qu'ils vont pas être dans la gang. Ouais. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur toutes les activités, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Carnaval où il y a le cahier de participants en ligne, puis plusieurs autres informations. Des extraits des bandes. Des extraits oui, des bandes aussi. Des descriptions des humoristes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur ce site-là? Ouais, non, je sais. Il est très complet. très complet. Les résultats vont être mis à jour souvent, en fait, là, j'imagine. Ouais. Oui, à tous les jours, okay. Les résultats devraient être mis à jour sur le site Internet. Donc, je le rappelle, c'est le www.uqtr.ca/carnaval. Voilà. Donc, plein de nouveaux, plein de vieux, plein de classiques, plein de retours, plein d'affaires, finalement. Ouais, on a fait du changement bonne place pour que ça soit vraiment une activité qui va puncher cette année. Ça va frapper fort, yes. Bien sûr. On rappelle les dates du carnaval. Du 24 au 27 janvier, soit la semaine prochaine. Parfait. Soyez-y. Et puis les inscriptions, comme tu disais, jusqu'à ce vendredi. Oui, au kiosque près de la bibliothèque. On va se quitter avec un extrait du groupe qui va être en spectacle. En fait, le grand groupe, celui-là, là, qui est celui en deuxième, là, comme Woohoo, Dance Floridance. Dance Floridance, question de bien vous réveiller ce matin. Ben oui. Yes. Parce qu'on est endormi, sinon. Ben oui. Un petit peu de café Baileys, là, en studio, ça faisait. Ouais, vous auriez pu amener ça. On aurait pu. On va aller à la chasse-galerie. Hey, ah ouais. Soyez prudents, boys. Hein, soyez sages. Hey, yes, merci beaucoup. Vous autres aussi. Merci. Salut. Dance Laurie Dance à Assemblage Requis. C'est dans le cadre de la programmation du Carnaval étudiant 2011. La pièce s'appelle Living for the Role. Alors, nous, c'est la fin de la première heure de l'émission. Déjà, ça passe vite, ça. Ça passe vite. Deuxième heure s'en vient en quelques minutes à peine. On va voir Émilie Gauthier, sa collègue plein air. Veux-tu sortir avec moi? Oui, tout de suite, au retour de la pause. Et l'infocop. Et l'infocop. Surtout, surtout. C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. 8h07 en ce mardi 18 janvier. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, qu'on est donc heureux d'être avec vous pour cette deuxième heure qui va être remplie d'air. Ça va être plein d'air, hein? Mais du plein air, pas. Parce que ça a l'air un peu vide, sinon, non? Ouais. C'est pas. Tu m'as fait de la peine. Tu m'as fait de la peine. Hey, non. Pas de peine ce matin, s'il vous plaît, quand mesdames, même. Messieurs. Un petit peu vite, là, pour sauter aux conclusions, là, non? Un petit peu soupe au lait, là, je trouve, là. Non. Veux-tu non. sortir avec Mathieu? Non. La chronique, c'est veux-tu sortir avec moi? C'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça que j'ai dit? C'est pas Mathieu, t'as dit Mathieu. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Moi. Ah, ok, j'ai de la poignée. Émilie Gauthier qui est avec nous un petit peu plus tôt que d'habitude. Maintenant, ça va être les mardis vers les 8h au lieu de 8h30. Avec ta collègue plein air, veux-tu sortir avec moi? Et là, tu nous reviens avec ton concept d'endroit où aller, mais avec un thème autour de ça. Oui, bien dans le fond, la session passée, c'était peut-être plus les lieux de marche automnale. Mais là, on tombe à l'hiver, donc j'ai essayé de plus de trouver des lieux de marche hivernale et des lieux de marche avec raquettes. Mm-hmm. Des fois, s'il y a des lieux qui peuvent se joindre aussi au ski de fond, je vais l'indiquer. Mais sinon, je sais que la raquette, c'est quelque chose qui gagne beaucoup, beaucoup en popularité. Fait que je vais essayer d'aller encore vers des lieux de marche en bottes et à raquette. Parfait. Donc, commençons avec le domaine de la forêt perdue. Oui, ça se peut, je répète, des certains endroits, mais des fois, les tarifs changent, les heures d'ouverture changent, les attraits changent. Donc, je sais que domaine de la forêt perdue, j'en avais déjà parlé, mais côté raquette, c'est autre chose. Donc, il y a des sentiers en labyrinthe qui permettent de se promener à travers la forêt. Oui, mais c'est pas en patin? Oui, mais tu peux le faire à la marche aussi. Ah oui? Oui. Ah, OK, je sais pas. Oui. Tu vois, t'en apprends des choses dans la chronique, hein? C'est, dans le fond, c'est 10 kilomètres de sentiers débutants hors piste. Donc, c'est préférable d'y aller avec des raquettes. OK. Voilà. Okay. C'est ça. Mais c'est aussi genre un circuit de patins, là. Mais... Okay. Très belle place, hein? Tu peux nourrir les animaux, tu peux avoir du plaisir, c'est pas interdit. Ah. Wow. Avec les animaux, ça fait louche comme phrase. Ouais. Non, ok, je vais. Même sans les animaux, c'est louche. Ouais, fait que de préférence, c'est un lieu à aller avec ses raquettes ou avec ses patins à glace. C'est ouvert de 10h à 22h. C'est 12$ pour un adulte ou on peut se procurer un produit de la ferme de miel ou d'érable et ça nous donne une entrée. C'est génial, ça. C'est le meilleur des deux mondes. Mais oui. Anna Montana, etc. Tu manges puis t'es dehors. Oui. J'ai pensé à toi, Mathieu. Anna Montana? Oui. Non? Parce que c'est le meilleur des deux mondes. Ah! Et get the best of both worlds, non? OK. Fait que c'est situé où, ça, Mathieu? Dans le Montana, c'est dans le Montana, je pense. OK, non, moi, je parlais de la forêt perdue. Ah, non. Mont-Carmel? Oui, c'est à peu près 25 minutes de l'université. Mais je savais pas que c'était éclairé, parce que tu parles jusqu'à 22h. C'est éclairé, ça n'a pas choué, là, en fait. Là. J'imagine, si tu ouvres jusqu'à 22h, ça l'inclut qu'il doit y avoir comme 2-3 sentiers d'ouvert ou quoi que ce soit. Amène ta lampe de poche quand même, au pire, si tu veux vraiment... Une lampe frontale. Ouais, frontale, mais oui. C'est winner. À noter que le petit restaurant, il y a un petit restaurant dans le circuit qui est ouvert juste la fin de semaine. Sinon, on peut se rendre au www.domainedelaforêtperdue.com pour plus d'informations. Évidemment, les liens sont sur l'article sur assemblagerequis.com. Oui. Il y a toutes les archives de tes chroniques. Veux-tu sortir avec moi? Oui. Prochain arrêt, c'est Énergie CMB. Knibus. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai comme pas trouvé la définition des trois lettres. Ah ben. Ça doit être centre quelque chose. Mauricien des bines. Des bois. Bon. Des bois, bien. Voilà. c'est des sentiers qui vont suivre un petit ruisseau. Le clou de la piste, c'est vraiment le vieil autobus abandonné dans la forêt. Donc, on avait déjà parlé dans le coin de l'Halloween parce que je trouvais ça un peu spécial. Ouais. C'est dans le fond, il y a 6 km de sentiers hors piste, 2 sentiers débutants qu'on peut faire à pied ou à raquette. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h et samedi et dimanche de 9h à 17h. Le coût est de 7$ pendant les heures d'ouverture et gratuit après 17h. Donc, on peut circuler en dehors des heures d'ouverture, mais là, c'est pas éclairé. Donc, à ce moment-là, on amène notre propre éclairage. Okay. On peut se rendre au www.energiecmb.ca pour avoir le plus d'informations. Alors, ensuite, il y a le parc de l'île Melville. Oui. Hohenegan. Hohenegan. Hohenegan. C'est une petite... J'ai écrit l'île Melville, hein? C'est pas l'île Saint-Quentin. Oh, c'est pas Hohenegan partout. Mais non, c'est parce que je me dis, première chronique, je vais faire des petits lieux proches. Mais moi, j'aime trop l'île Melville, à un point que j'ai écrit ça au lieu de l'île Saint-Quentin. Voilà. Émilie Tanang. Je suis cocasse. Coquine. Donc, l'île Saint-Quentin. Oui. Oui, c'est vraiment tout proche. C'est comme 10 minutes. Là. C'est encore plus proche que Hohenegan. C'est une petite île de grande diversité qui se situe entre la rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est sûr que ça peut donner une belle vue au niveau des couches de glace, des zones de végétation et des panneaux d'interprétation le long des passerelles. Un belvédère qui offre une vue sur les îles avoisinantes, le parc portuaire et une croix érigée en l'honneur de Jacques Cartier en 1984. Et la liste suit. Donc, je pense que pour quelqu'un qui veut pas trop se déplacer et voir un peu de tout, c'est une belle petite île. Nous aussi, on peut patiner. Oui. Et on peut patiner, faire de la glissade sur tube. Certaines journées, il faut se rendre sur le site internet www.ilsaintquentin.com. Il y a les conditions des pistes. Donc, quand j'étais allée, les skis de fond, c'était écrit genre piste vraiment laide. Je ne me souviens plus comment c'était écrit, là, mais c'est impraticable, quelque chose comme ça. Mais ça dit, dans le fond, pour chaque activité. Puis aussi, on peut se tenir au courant des événements qui se passent sur le site. Là, habituellement, chaque dimanche, il y a quelque chose où il y a comme une grosse fin de semaine d'activité. Comme dimanche prochain, le 23, il y a une journée d'activité où il y a du mini-pot sur neige, des balades en traîneau, des rallyes. Donc, c'est pas des grosses, grosses journées de festivité, mais ça fait juste un petit peu différent. Dans le fond, la piste cyclable de 5,8 km qui fait le tour de l'île est transformée en piste pour la raquette. Le sentier de marche hivernale, qui est dans le fond le sentier de marche normalement de 2 km, longe en grande partie le fleuve. Comme on disait, il y a des glaces pour le patin, pour le hockey, il y a des glissades sur tube. Donc, c'est ouvert de 10h à 17h, c'est 10 minutes de l'université, 4$ par adulte, plus 2,50 par automobile. C'est tout. Pas cher, puis tout proche. Oui, parc linéaire de Trois-Rivières maintenant. C'est écrit de même partout officiellement, mais je pense qu'on l'appelle plus piste cyclable de Trois-Rivières. Ah, okay. Parce que je m'en ai posé la question, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la piste cyclable. Okay. Dans le fond, c'est la piste qui va traverser la ville du sud au nord, va débuter proche du centre-ville, proche du parc de l'exposition, et se termine au parc Lambert en passant par le terrain de l'université. Donc en tout, ça donne 9 km de piste. On peut utiliser pour la marche, la raquette, le ski de fond. C'est ouvert en tout temps, c'est gratuit. On l'a qui passe dans notre cours. On peut se rendre au www.v3r.net pour plus d'informations. Mm-hmm. Piste Châteaudun. Oui, ça, c'est situé au Cap de la Madeleine. On peut apercevoir plusieurs variétés d'oiseaux ainsi que des petits lièvres. Je trouve ça beau, des petits lièvres. Oh, c'est cute! C'est où, ça? Au Cap. Mais... Plus précisément, c'est vous? Je pourrais joindre les indications comment s'y rendre. Okay. Châteaudun, en fait. J'avais les indications tournées à gauche à telle lumière, là, mais je ne l'ai pas joint, mais je pourrais te l'envoyer, on pourrait l'ajouter au lien cette semaine. Sur assemblagerequis.com. Oui, quelle belle plug. Ouais, merci. C'est préférable d'avoir de la raquette ou des skis de fond parce que c'est pas vraiment des sentiers qui sont aménagés, c'est vraiment un petit boisé libre. C'est situé environ 10-15 minutes de l'université, puis on peut encore se rendre au www.v3r.net pour plus d'informations, mais sinon, je vais joindre vraiment les indications de gauche-droite à telle lumière. Là. Parfait. Cool. Il nous reste une dernière place où marcher, c'est le sentier de marche de l'UQTR. Oui, ça, c'est sûr, c'est pas écrit nulle part, mais on le sait qu'on a des petits sentiers qui sont situés tout près des résidences Michel Sarrazin, il y a un petit boisé avec, avec 7 sentiers qui totalisent 2 km. C'est pas beaucoup, mais il y a un sentier qui part d'un autre, qui part d'un autre. Fait que je pense qu'on peut passer un petit bout là sans nécessairement repasser par le même sentier. C'est pas la piste cyclable. Non, non. Que tu me parles. C'est où exactement? Je sais pas. Suis-tu imbécile ou... Non, mais... deux questions différentes en passant, Émilie. OK, je vais commencer. Oui, t'es imbécile. mais tout près de la radio, justement, où est-ce qu'il y avait la grosse espèce de statue en forme de U, là? Oui, qui est plus là, est où, hein? Je sais pas, est où, mais en tout cas, il y a un gros panneau. C'est le recteur qui est parti avec. Ah oui, quelle déception. Il y a un gros panneau avec un genre de carte de l'université, puis sinon, t'as tous les sentiers en plusieurs couleurs. OK, c'est indiqué. Mais sinon, c'est des sentiers qui partent aux alentours des résidences Michel Sarrazin. Dans le fond, j'ai laissé sur la page Assemblage requis une carte des sentiers. Puis on voit vraiment d'où est-ce que ça part. Là. Sinon, c'est à peu près 2 km. Là. C'est toutes des 500 mètres, des trucs comme ça. Pour des petites marches. Mais tu sais, si on a le goût juste d'aller prendre une marche puis pas nécessairement se promener dans les rues autour pour aller un petit peu dans le bois, ben, c'est vraiment à porte. Là. De l'intimité. Oui. Qu'on dirait. Oui, voilà. Ouais. On termine avec les portes ouvertes de l'école d'agriculture de Nicolet qui ont lieu au début février. Mais c'est ça, c'est pas de la marche. Ben non, mais si t'aimes le plein air, l'école d'agriculture de Nicolet, en fond, ils font du terrassement, ils s'occupent de l'élevage des vaches. Ils font beaucoup de plantes de jardinage. Donc, j'ai comme conclu que les gens qui aimaient un peu le plein air, peut-être qu'ils cherchaient des formations aussi dans le domaine. J'avais vu aussi qu'ils avaient fait un toit vert. Oui. Très bonne idée. Oui. Très, très bonne idée. Non, c'est quand même une belle école qui est en évolution. Là. Oui, oui. Je pense que juste pour le trip d'aller visiter, c'est quoi? Je pense que ça vaut la peine. C'est pas loin non plus. Là. Non, c'est, je te dirais, 20 minutes pour le faire à tous les jours. Je te dirais que c'est 20-25 minutes. Là. Environ. Là. C'est 4 et 5 février prochain. Les serres, dans le fond, sont en train de se remplir, sont vraiment en train de travailler fort. Il y a des projets d'aménagement qui vont être terminés. Sur place, il va y avoir des démonstrations, des stands d'information, des rencontres avec des élèves et des enseignants, le salon de l'emploi agricole et horticole, une visite des installations ainsi qu'une mini-ferme. Ça va être ouvert le 4 et 5 de 10h à 16h. Vous pouvez vous y rendre, c'est gratuit. Pour plus d'informations, on peut aller au www.ean.csriveraine.qc.ca ou sinon, on peut appeler au 819-293-5821, poste 2364. Mmh. Donc, si vous voulez retenir l'adresse, là, EAN, c'est pour École d'agriculture de Nicolet. Hein, donc, oui. Vous le retenez en point ce sens-là. CSRiveraine, Commission scolaire de la Riveraine. Point Québec, comme Québec, là, point QC. Pour vrai. Puis point Cab, c'est comme Canada, là. Non. Mais... Non! Je te crois pas. Ben, je t'ai dit. Non. Allez voir sur assemblagerequis.com pour tous les liens des différentes chroniques d'Émilie Gauthier. Veux-tu sortir avec moi? C'est le nom de la chronique, hein, François? Oui. Tout à fait. Veux-tu sortir avec moi? Hein? Avec toi? Non. Bon, ben, tu le réponds avec... Ben, c'est un nom. Un nom comme c'est un... Pourquoi tu m'as demandé d'abord? Noël, comme... Non, j'ai un genre de... Comme c'est un nom, là. Genre F.O. Comme F.O. Ah, c'est OK, nom. OK. C'était pas nom comme dans nom, je vais pas sortir avec toi, parce que là, tu te tromperais, si tu pensais ça. Ah, cool. Ne présume pas l'affaire. OK, on arrête. Je suis de bonne humeur en matin. C'est ça. Émilie, merci beaucoup. C'est ça. Bye. On finit souvent la chronique comme oui, ça hein? Par un moment inconfortable. Donc, c'est mardi prochain à 8h qu'on va te retrouver. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va se quitter avec une petite pièce d'OK Go. Oh oui! White Knuckles, parce que il neige, puis c'est blanc dehors, puis t'as froid aux jointures quand on sort dehors l'hiver. Oui, c'est totalement cohérent. C'est un lien. Oui. Cohérent, j'aime ça. Oui. Tu parles bien. Merci. Uh-huh. Mouth. You never get the paw print out of the hen house now, and you can't go back the same way you came. Round all the pieces up, but they just don't fit the same. White knuckles, maybe it's not so bad. So let your head down now, white knuckles. Yeah, maybe it's not so bad. Go ahead and let it down. So come and let it all out.

Galactic avec la pièce Bon Money. Assemblage requis au 89.1 FM. Bonne pièce. Je pensais que ça allait chanter. Non. Non. Pas de niaisage, pas de flafla, pas de. Non, garde, à un moment donné, là. Droite au but. Hein? Bing! Bing, badaboum, badabing! Badaboum, badaboum, ring, ring, ring! On va craindre, mon ami, craindre! Oh yeah! Ça, c'est ce qu'on appelle craquer une dactylo à la main tous les matins, hein? Pas le budget pour avoir quelque chose d'automatisé ou quelque chose qui part tout le temps à la même heure. Un starter. Oublie ça. Un starter à distance. Non. Pas l'affaire de même. Non. Bon. Commençons avec... en fait, c'est la chronique C'est un fait. Pour ceux qui connaissent pas la musique par cœur, la chronique C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Va-va-voum. Va-va-voum. Va-va-voum. J'adore ça. Sais-tu, François-Olivier Marchand, que si t'échappes une tarentule, elle va éclater en morceaux? Ah ouais, c'est vrai. Elle a l'air toute douce et remplie de fourrure, mais une tarentule en fait a un exosquelette très délicat, extrêmement délicat, dit-on. Même une chute d'une hauteur de quelques pouces va avoir des risques sérieux pour une tarentule. Ça pourrait soit défaire l'abdomen de la tarentule ou faire exploser l'exosquelette au complet. Donc vous pouvez voir une vidéo au ralenti d'une tarentule en train d'être échappée sur l'article que j'ai posté sur assemblagerequis.com. T'iras voir ça, François-Olivier Marchand. Bon. Sais-tu qu'un homme en Chine qui a une corne qui lui pousse sur la tête? Arc. Une vraie corne, là. C'est pas arrangé. Wang Yuan Fan a une corne de 3 pouces de long qui pousse sur sa tête. Ça pousse depuis 2 ans et il peut rien faire pour l'empêcher. Absolument rien. Il a essayé de... il a essayé de la limer, comment on dit? La limer. De l'arracher. Non, absolument rien. Ça continue, ça repousse tout le temps. Bref. Selon ses docteurs... Bizarre, ça. C'est très bizarre. Ouais, c'est très très bizarre. Selon ces docteurs, même s'ils l'enlèvent, les docteurs, ça va repousser quand même. Ça va pousser. Et ils savent pas pourquoi il y a une corne sur la tête. Il n'y a aucune raison. Comme c'est un animal. Ben, genre, je sais pas si ses parents, tu sais, ont fait des affaires. On sait pas, mais c'est déjà arrivé. Mais c'est si son père a fait des affaires, écoute, il n'y a pas de danger. C'est sûr que ça vient pas, c'est pas de sa faute. Tu sais, dans le sens non, que. Non. Il ouais. a déjà. C'est sa mère, là. Mais apparemment qu'il y a un hôpital complet de gens qui sont nés de par l'association de avec un... Hein? Apparemment, j'ai entendu non, des rumeurs. Non, moi, je non. sais pas, j'ai jamais vu ça, mais apparemment. Il en ah, parle dans... Ouais. Ben oui, j'ai entendu parler de ça à télé ou... Je sais pas si c'est un épisode de Dr. Grey ou quelque chose de genre, c'était fictif, mais non, il me semble qu'il y a vraiment un hôpital de... De gens mélangés entre l'animal... Bizarre. L'animal ne faites pas ça à la maison. Non. Je vous non. en prie. Mm-hmm. Savais-tu, ben ça, en fait, je le savais, mais j'aime bien les détails quand même. Savais-tu qu'il y a plusieurs différents, plusieurs langages des signes? Oui. Ouais, oui, ça, je savais. Aux États-Unis, la langue la plus commune pour les gens qui ont une surdité ou qui ne sont pas capables d'entendre, c'est l'American Sign Language. En fait, c'est la 4e langue la plus utilisée aux États-Unis. Ah! T'as mal là. Ah ben, sûrement anglais, espagnol, et puis autre chose, et ensuite, le langage des signes. Autre chose. J'aime bien l'autre chose. J'ai aucune idée du troisième, ce serait quoi? Malgré le fait que l'anglais est une langue parlée aux États-Unis et au Royaume-Uni, hein, les accents diffèrent, mais quand même, c'est la même langue, ils ont un langage des signes complètement différent, qu'ils appellent le British Sign Language, le BSL. C'est très, très différent de l'American Sign Language. Il y a aussi, évidemment, le langage des signes français. Hein? Y a pas de langage des signes universel et différents pays ou même différentes régions ont leur propre version de ce langage. L'ASL, ça c'est l'American Sign Language, est aussi exprimé différemment dans différentes parties du pays. Ça donne donc à la langue autant de variété que la langue sur laquelle c'est basé. Hein? Voilà. Aussi, l'ASL est complètement différent de l'anglais de base. Il y a différentes règles de grammaire, de ponctuation et d'ordre des mots dans une phrase dans le ASL comparé à l'anglais normal. Bon. Savais-tu que c'est la population du monde au complet, le 7 milliards de gens, c'est bien ça, se mettaient épaule à épaule, donc les uns collés sur les autres, on ne réussirait à remplir seulement que la ville de Los Angeles? Ah, ouais? Ouais. Oh, selon National Geographic, oui. Oh, c'est ouais. quelque chose. 7 milliards. On n'est pas tant que ça, d'abord. Ben, c'est ça. Ben, il y a de la terre, il y a bien de la place. Puis à un moment donné, quand tu prends tous les gens qui sont éparpillés partout, ensemble, Los Angeles. Ouais. Eh ben, moi aussi, ça me surprend vraiment beaucoup. Mais c'est grand, Los Angeles, d'abord. Oui, ben, c'est sûr que c'est quand même une grande ville. Un homme d'Oklahoma City a demandé à un juge d'augmenter sa sentence de 30 ans à 33 ans parce qu'il voulait avoir le même chiffre que Larry Bird. Okay, donc, en 2005, Eric James Torpy, présumément... Là, non, je veux pas 30 ans, je veux 33. Voler et tuer. ou a essayé de tuer quelqu'un et a aussi fait un vol. Donc, il a reçu une sentence de 30 ans. Il a demandé de faire augmenter ça de 3 ans parce que le nombre d'années servies en prison serait le même numéro que la vedette de la NBA, Larry Bird, son numéro de chandail. On dit... c'est ça. Quel attardement temps. Ouais. Non. Peut-être que pour lui, 30 ans ou 33 ans, c'était pas une grosse différence. Peut-être. Prison, je sais pas. Peut-être. Aucune idée. Il y a des gens comme ça. Savais-tu qu'il y a un homme qui n'a une mémoire que de 30 secondes environ? 30 secondes, c'est le mieux qu'il peut faire. Des fois, ça peut aller aussi court que 7 secondes. Donc, le gars doit tout le temps refaire tout. Clive Waring, qui a un cas d'amnésie assez intense. Il a ça depuis 20 ans. La seule personne qui peut reconnaître, c'est sa femme. Il se rappelle même pas d'une conversation après quelques secondes de cette conversation-là. Il reconnaît pas ses enfants ni sa maison. Mais il se rappelle quand même comment jouer du piano. Ah ouais. Incroyable. Il y a un petit vidéo documentaire que j'ai posté sur assemblagerequis.com dans l'article. Vidéo de 7 minutes, donc c'est très intéressant. Allez voir ça. Merveilleux. Ensuite, allons-y avec quelques petits faits rapides. On parlait de pain hier. On avait un thème sur le pain. Le pain et l'eau, 45% d'eau. 35% d'eau, etc. etc. Savais-tu que les rôtis, les toasts, ont été amenés en Grande-Bretagne en 1661 par la reine Catherine de Bragança, Infanta. Du Portugal. Et sa femme, elle est la femme de Charles II. Voilà. Donc, c'est elle qui a amené les rôtis. Voilà. Intéressant. Le fondateur de Playboy, Hugh Hefner. Tu connais Hugh Hefner? Qui ne connaît pas? Évidemment. Voulait appeler son magazine Stag Party à l'origine. Stag? J'ai même pas cherché ce que voulait dire Stag. S-T-A-G? Ouais, S-T-A-G. Définition. Allons voir ça. Stag, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je crois que c'est un animal. Ouais, chevreuil. C'est ça, un chevreuil ou ça dit, deuxième définition, un animal, particulièrement un cochon, qui serait castré après être arrivé à la maturité sexuelle. Ou encore, troisième définition, une personne qui va à un rassemblement social sans être accompagnée de son partenaire, surtout ou précisément un homme qui ne serait pas en compagnie d'une femme. Ou encore, définition numéro 4, un rassemblement pour hommes seulement. Je crois que ça doit être un rassemblement pour hommes seulement. Ou moi, j'ai sécurité, télésurveillance, alarme et gardiennage. Ben tu vois. Ça devait pas être ça. Ça me dit aussi, définition numéro 2 de l'adjectif stag, pornographique, c'est la définition. Oh. Ou encore un stag party qui n'est que pour hommes seulement. Voilà, un stag party. Oh, d'après moi, c'est... C'est comme pour hommes seulement là, pour les cheveux blancs. Bon. Just for men. Just for men. On a fini par ça. Hein. Selon Crayola, l'enfant moyen va utiliser 730 crayons de cire avant son 10e anniversaire. Donc là, les utiliser au complet, là, si on les met ensemble. 730, c'est énorme. 730. Peut-être qu'elle utilise plus que ça même et on utilise seulement une partie de chaque crayon en moyenne. Puis après ça, à la fin, quand tu les additionnes, tous les bouts qui restaient, ça fait 730. Je sais pas. Moi, je me rappelle pas d'avoir joué tant que ça avec des crayons. T'sais. Moi non plus. Avoir dessiné tant que ça. 730, me semble que c'est énorme. C'est un grand... Mais c'est en 10 ans. Ouais. Quand même, 10 ans, c'est long. Ouais, mais si t'achètes un paquet de 25 par année, mettons... Ouais. T'en as masse. À l'école, t'en as besoin aussi. Donc, j'avoue. Mm-hmm. Walt Disney n'a jamais permis à l'actrice qui jouait Blanche-Neige de faire un autre film. C'est... Tu savais ça? Ouais, c'est décevant, ça. Décevant. L'actrice Adriana Caselotti n'a même pas reçu un crédit pour son apparition dans le film Blanche-Neige et les Sept Nains. Cette tactique-là, ce n'était pas une forme de cruauté de la part de Walt Disney. Est-ce que tu pensais que c'était ça? Je pense encore que c'est ça. Je vais te l'expliquer un petit peu. Disney croyait que l'illusion de Blanche-Neige serait gâchée si le public savait quelle actrice avait fait sa voix. Cassetti était sous contrat avec Disney Studios, donc c'était quand même son droit de faire ce choix-là à Disney, le choix de l'empêcher de faire d'autres choses. Blanche-Neige était le premier film animé produit par Walt Disney aux États-Unis, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de précédent avant ça sur comment traiter les acteurs de voix, ceux qui font les voix dans des dessins animés. Donc, Walt avait un argument logique, disait-il, en pensant que les acteurs de voix de dessins animés devraient rester dans l'obscurité pour préserver la magie derrière les personnages. Voilà. Cool. Intéressant. OK, quelques petits rapides. On va se dépêcher. En filmant le film Scream, tu sais... Frisson. Wes Craven n'arrêtait pas de raconter à Drew Barrymore de vraies histoires, de vraies cruautés animales pour la faire pleurer, pour qu'elle ait peur des histoires d'animaux, de cruautés. Bizarre. Véridique. Peut-être un petit truc entre les deux pour l'aider, en fait. Là, ben oui, mais c'est ça, exactement. Exactement. Peut-être que c'était... c'était peut-être comme ça au lit aussi, on sait pas. L'histoire l'a dit pas, c'est ça. Et puis, c'est tout. On garde le reste pour demain. Voilà. C'était un fait. C'était un fait. C'était un fait. Ça va être mélangeant entre mon émission C'était fou, jeudi 13h, et la collègue C'était un fait. Hein. Parce que oui. Je pense que tu t'es déjà trompé une fois avec ça, mais on en parle. C'était donc un fait, ça reviendra demain, cette chronique-là, avec d'autres faits très intéressants, comme toujours. François. Oui, Mathieu. 5 plus 5 plus 1. Eh, ça fait 11. Ça fait 11. Ah, OK. Il me montrait deux index et puis c'est supposé être un mais 11. Mais si je veux dire deux, je vais lever... Tu vas lever deux doigts. Ouais. OK, j'aime le, ça. Ben là, j'essayais de faire le... Ben, c'est une très bonne idée, j'avoue. J'avoue, on va faire ça plus souvent à la maison, vous et moi. On va se mimer des chiffres à la radio. Quel chiffre est-ce que je fais en ce moment? 23. Ou 32. Ou 32. Ah, un toit à gauche. Là, ça dépend du bord. C'est vraiment 23. Bon, OK, je pense que ça commence à être long. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, François? Jean Leloup, avec la pièce Le Dôme. Oh! Oh oui! Oh! Assemblage requis. 89.1 FM, Radio Campus de Trois-Rivières. C'est là, ça. Un 3 à gauche, puis un 2 à droite. Check. 8, 9, 1. Non, mais là, par exemple. 8, 9, 1. Ah, t'es fort. Ah, il est très fort. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions déjà depuis 3 jours et 3 nuits. Dans le silence épais, protégé des lianes, nos pas nous suivaient et moi je la précédais. Encore une fois, dit-elle, quand le soleil tombait, redis-moi comment, quel endroit nous irons. Nous allons au dôme et là où nous allons ne se trouve que des gens qui ont tout espéré. Le dôme est immense au cœur de la forêt et on dit qu'il est clair à des milles à la ronde, à des milles à la ronde. Les oiseaux chantonnaient dans la jungle maudite. Nous marchions lentement vers le dôme au sans nom. Elles suivaient patiemment le chemin mal dessiné. Et le soir se couchait et elles recommençaient. Dis-moi, tous ces gens qui construisirent le dôme, pourquoi n'arrivèrent-ils qu'à cette seule solution? La question était bonne, alors je réfléchis, référant aux échos mille fois entendus. Il y a 20 ans, je crois, naquit le premier fou, puis plus tard eut lieu l'épidémie. Chaque ville posséda 2 ou 3 de ces fous, mais personne au début ne savait qu'ils étaient fous. Ils n'étaient anormaux que de par la faculté qu'ils avaient de ne jamais être intéressés plus longtemps qu'une minute à quoi que ce soit. Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au sans nom. Et on dit qu'il est clair à 2000 à la ronde, à 2000 à la ronde. Pendant que nous marchions vers la mort certaine, je commençais à croire à la fable du dôme. Quand un jour au lever, je fus saisi d'angoisse, une sorte de vertige, une fébrilité. J'entendis la musique et je vis la lumière. Une immense boule en verre s'élevait devant nous. À l'intérieur, les ombres de mes inventions. Jeunes hommes et jeunes filles répétées en centaines. 2000 répliques parfaites de moi et de elle, rassemblées doucement dans la sphère en cristal. Buvaient nonchalamment des verres fluorescents. La musique martelait à 100 lieues à la ronde. Et l'éclairage créait les oiseaux albinos, dont les plus surprenants étaient les sans-toucans, rouges et jaunes au milieu de la nuit stroboscope. Nous allions vers le dôme et là où nous allions ne se trouve que les gens qui ont tout espéré. Le L'homme est immense au cœur de la forêt, et on dit qu'il éclaire à des mille à la ronde. Au-dedans, rassemblés les désespérés du temps, les perdus qui recherchent le paradis. On m'a dit qu'ils étaient assez jeunes, et pourtant, semble-t-il qu'ils ne font que parler lentement. À des mille à la ronde, à des mille à la ronde. Le Dôme de Jean Leloup. Ouh. Oh oui. Ok, oui. C'est très bon. Ben, rien. Tu dis que c'est bon, toi? Je le dis que c'est bon quand c'est bon. Ben, tu fais bien. On le dit pas mal à chaque chanson qu'on joue. Parce que c'est bon. Ben voilà. C'est tout. C'est la raison de la chose. Même chose pour la prochaine chose dont on va parler, François-Olivier Marchand. Oh. Il y a un spectacle ce soir au Gambrinus. C'est quoi? De Corsair, ça oh oui. Su. C'est vrai. C'est donc le groupe de musique, celtique, traditionnel celtique, qui s'associe aux étudiants en TES du Collège de la Fête de Trois-Rivières pour... Carlin, j'ai de misère à lire. TES, c'est Technique d'éducation spécialisée. C'est bien ça? Pour financer leur stage à l'étranger, ça a lieu ce soir, mardi 18 janvier, à 21h au Gambrinus. C'est 10$ à la porte. Corsair vient en aide aux étudiants en éducation spécialisée du Collège de la Flèche de Trois-Rivières. Le groupe de musique traditionnelle celtique a choisi un endroit où la bière valait le détour. Dit-il. Donc, Corsair, c'est au Gambrinus ce soir à 21h. Soyez-y. On va écouter un petit extrait minuscule, si t'en penses, de Corsair, juste pour le fun. Vas-y. C'est bien intéressant. On écoute le chant des Corsairs. C'est seulement un extrait, par contre. Nous ramènerons avec nous. Et la gloire et les gros sous feront voyage dans nos sillages, vent arrière ou vent debout, nous les ramènerons avec nous. Vent arrière ou vent debout, nous les ramènerons avec nous. Car c'est le plus vaillant corsaire qui donne à l'ordre du départ. Car c'est le plus vaillant corsaire qui donne à l'ordre du départ. Vite en mer et sans retard, faisons la guerre à l'Angleterre. Car c'est le fameux Jean-Bart qui nous commandera le départ. Car c'est le fameux Jean-Bart qui nous commandera le départ. Voilà donc pour Corsair. C'est ce soir au Gambrinus, 21h. Rappelons-le une dernière fois. Rappelons-le. C'est pour... merci. C'est pour venir en aide à un voyage pour les gens de TES au collège La Flèche Corsair. Voilà. On écoute Place en Animance avec Demain ma papa et on vient avec la conclusion de l'émission. Sur C'est fou, 89.1 FM, c'est Assemblage requis. Dance Animals avec la pièce de Mama Papa. Et c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. François, qu'est-ce qu'on a demain? Demain, on reçoit Yann Martel du service aux étudiants qui vient de parler de la journée carrière qui va avoir lieu le mercredi le 26. Et on a bien sûr Maxime Lemieux-Laramé. Tout à fait. Avec sa chronique télécharge quoi? Ça va être demain matin dès 7h. On se quitte, les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Restez là pour C'était fou, ma nouvelle émission en rediffusion tout à l'heure à 9h et le dîner de quoi à 11h. Bye, François! Salut, Mathieu! Ah, je manque de souffle! Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.